La France pendant la Deuxième Guerre. Sixième partie. La fin de la guerre. Libération. En 1943 et 44, les Français ont connu de nouveau la terreur des bombardements, cette fois par les Alliés. 600 000 tonnes de bombes ont été lâchées sur le territoire. Nantes, Rouen et Caen ont été durement touchées. Et environ 70 000 civils ont péri. La France a été libérée à partir du 6 juin 1944. Cette libération était bien sûr un événement joyeux après tant d'années de peur et de pénurie. Cependant, le bilan de l'occupation était lourd pour tous les Français. 200 000 soldats tués, 150 000 civils décédés, par suite de bombardements et d'autres catastrophes, 150 000 victimes de la répression et des persécutions, soit au total un demi-million de morts. La libération a été longue et difficile. Les chars américains ont libéré une grande partie du pays, mais ailleurs, la bataille était entre les résistants et les miliciens. Oradour est entré dans l'histoire comme village martyr où 650 civils ont été massacrés, sans raison apparente, par les SS. À ce jour, ce village est préservé en état de ruine pour garder un souvenir de la souffrance des Français pendant cette période de l'histoire. Une insurrection populaire a libéré Paris sans l'aide directe des Alliés. L'épuration. La fin de cette période a vu un règlement de compte violent entre les Français. Cette guerre n'était non seulement un conflit entre les nations, mais une bataille idéologique sans merci. Épurer n'était pas seulement châtier les traîtres, mais punir les ennemis de la démocratie, les adversaires politiques des résistants. L'épuration était un règlement de compte très sanglant. Entre juin et novembre 1944, 9000 personnes ont été exécutées sans procès légal par les anciens résistants. La haine, trop longtemps contenue, s'est manifestée par des scènes de lynchage et des familles entières ont été abattues. Des milliers de femmes accusées d'avoir fréquenté les soldats allemands ont été systématiquement humiliées, obligés de défiler en public, la tête rasée. En ce qui concerne l'épuration légale, 1500 personnes ont été exécutées et 45 000 condamnées à des peines de prison. Toutefois, il est intéressant de noter que seuls 3 des 100 dignitaires de Vichy mis en procès ont été fusillés. La suite. Les effets de la guerre. Au sortir de la guerre, la France était un pays dévasté qui a perdu son statut de puissance et qui allait bientôt perdre son empire. La reconstruction du pays, financée en grande partie par le plan Marshall des Américains, a donné suite à un développement économique impressionnant. La période d'après-guerre de 1945 à 1975 a été surnommée les Trente Glorieuses, vu l'essor de l'économie de l'Hexagone. Les villes détruites par les bombardements, le plus souvent commis par des alliés pour frustrer les occupants allemands, ont été reconstruites. Saint-Malo, par exemple, détruite à 80%, a été totalement reconstruite. La France s'est relevée de ses cendres. Elle est devenue un pays de démocratie et une puissance économique mondiale. Cette reconstruction a vu la création d'énormes cités d'HLM, comme Sarcelles, dans les banlieues de grandes villes, certes moins insalubres que les vieux bâtiments sans eau chaude et salles de bain qui ont été rasés par la guerre, mais aussi sans âme, et ce sont ces endroits qui sont devenus les quartiers difficiles de notre époque. Aussi, en 1944, les femmes ont obtenu le droit de vote pour la première fois. un grand pas pour la démocratie française. Nous, les anglophones, appelons cette guerre la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour les Français, il s'agit simplement de la Deuxième Guerre. Les enjeux globaux avaient moins d'importance que la survie de chacun et de chacune au jour le jour, et de l'existence tout simplement de leur pays. Pour les Anglais, les Américains et les Russes, la guerre était une époque héroïque. Tout le monde était réuni contre un ennemi commun, les nazis. Ceci n'était pas le cas des Français, qui avaient des décisions difficiles à prendre. Nos films tels que « Le jour le plus long » ou encore « Il faut sauver le soldat Ryan » démontrent les actions héroïques des soldats alliés, tandis que le cinéma français se concentre sur les dilemmes des Français, les compromis quotidiens de ces années noires. Pour les Français, Allô, Allô n'a rien d'amusant. Pour la majorité des Français, cette période a été 4 ans à rayer de l'histoire. Ils étaient pressés de retrouver le pain, la paix et la liberté. Jusqu'aux années 70, ils ont enterré leur culpabilité de l'époque, se présentant comme un peuple résistant à l'envahisseur. Ils ont gardé en mémoire les beaux jours de la libération et oublié le fait que des populations entières ont été exterminées avec la complicité d'un gouvernement français. Mais ce passé surgit périodiquement, car ces 4 années sont inscrites au fer rouge dans l'histoire et dans la mémoire des Français.